Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à demain. L'ère de la téléportation quantique serait-elle en train d'advenir ? Que ce soit de l'espace vers la Terre, où la Chine réalise des prouesses encore récemment en réussissant à distribuer de l'information de son satellite MOSI jusqu'à une station de réception mobile au sol, ou dans le domaine de l'informatique, où des chercheurs ont réussi à manipuler des photons intriqués entre deux puces au silicium. Aussi est-il grand temps d'aborder frontalement ce qu'on appelle à tort téléportation quantique, en replongeant à la source des propriétés quantiques des particules et sans avoir une seule fois recours à la métaphore de Star Trek. Téléportation quantique et hop, c'est le programme intriqué qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Soyez les bienvenus dans la méthode scientifique. Et voilà, pour tout comprendre donc à cette téléportation quantique, en partant de Newton jusqu'à Alain Aspect et en passant par Einstein et Bohr, et comprendre bien pourquoi justement cette terminologie de téléportation quantique est finalement impropre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Aslangul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université, chercheur en mécanique quantique et en physique statistique au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, et nous sommes en ligne avec Nicolas Gizin. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur au département de physique appliquée de l'Université de Genève, responsable notamment de la première expérience de téléportation quantique longue distance en laboratoire. C'était en 1997. Vous nous en parlerez bien évidemment dans les minutes qui viennent. Mais avant de basculer dans les étranges propriétés de l'infiniment petit, on commence par l'actualité scientifique du monde macroscopique avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans Nature qui révèle une nouvelle lignée humaine que nous n'avions jamais vue auparavant. Une fois de plus, l'histoire évolutive humaine montre qu'elle est bien plus complexe qu'on ne le pense. Une équipe internationale de généticiens, d'archéologues et de bioanthropologues a analysé l'ADN de 4 squelettes d'enfants. Des squelettes vieux de 8000 à 3000 ans, issus du site archéologique de Choumlaka, au Cameroun. Jusqu'à présent, on pensait que les premiers humains modernes s'étaient divisés en 3 branches, entre 250 000 et 200 000 ans. Les chasseurs-cueilleurs d'Afrique australe, les chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale, et une lignée qui mène à la plupart des humains modernes. Mais l'ADN de ces squelettes ne correspond à aucun de ces 3 groupes. Frédéric Austerlitz est directeur de recherche CNRS en génétique des populations au Musée de l'Homme à Paris. Ce qu'ils ont montré, c'est que donc c'est des zones où actuellement vous avez maintenant des chasseurs-cueilleurs qui appartiennent principalement aux pygmées et des agriculteurs côte à côte. Ils ont montré donc que ces gens-là étaient assez loin de ces deux groupes de population, surtout très loin des agriculteurs. Ils se rapprochent un peu des chasseurs-cueilleurs actuels, mais quand même avec visiblement, ils sont aussi quand même d'un mélange avec d'autres populations qui étaient là à l'époque et qui ont disparu. Donc c'est pas non plus exactement comme les chasseurs-cueilleurs actuels, c'est une espèce de mélange entre des populations ancestrales qu'on ne connaît plus et les ancêtres des chasseurs-cueilleurs actuels. Et donc le fait d'avoir accès à ces données, ça leur a permis aussi de reconstituer un peu mieux l'arbre généalogique des populations africaines et de montrer qu'en fait, donc, avant on pensait que les populations les plus divergentes en Afrique, c'était les chasseurs-cueilleurs du sud de l'Afrique, ce qu'on appelle les Khoisan. Et en fait, on s'aperçoit que ces chasseurs-cueilleurs de l'Ouest africain sont en fait aussi divergents des autres populations humaines. On pense donc maintenant, d'après leur datation, ça se situe vers 200 000 ans au moins, donc de séparation du reste des autres populations humaines. Donc ce sont vraiment des groupes qui sont séparés très anciennement de l'ancêtre commun de toutes les populations humaines. Donc on voit que ça montre qu'il y a plusieurs populations ancestrales à divers endroits de l'Afrique, en fait, pour les humains actuels. C'est un papier assez important, donc je disais pas à la fois parce qu'il apporte des données nouvelles qu'on n'avait pas, et c'est vraiment des données précieuses parce que rares encore actuellement, et aussi parce que donc il nous renseigne sur cette multi-origine des populations africaines, le fait qu'il y ait des populations ancestrales à divers endroits d'Afrique. Donc oui, c'est, je pense, un papier important dans la quête de l'histoire des populations humaines et notamment africaines. Oui. Et on passe au bref. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, nous n'avons pas assez d'informations pour trancher sur les risques liés à la 5G. Le déploiement de la 5G est attendu en France d'ici la fin de l'année et l'ANSES a publié lundi un premier rapport. Elle dénonce un manque important de données sur ses effets sanitaires. La 5G va s'appuyer sur de nouvelles bandes fréquences, la bande 3,5 GHz et la bande 26 GHz des ondes millimétriques, sauf qu'aucune étude scientifique n'a été menée sur leurs effets biologiques. En d'autres mots, on saura si la 5G est dangereuse après son déploiement. Selon une étude parue dans la revue PLOS Pathogens, les bactéries présentes dans la poussière peuvent s'échanger des gènes de résistance aux antibiotiques. La capacité de résister aux traitements antibiotiques est considérée par l'OMS comme l'une des plus grandes menaces de santé publique. On sait que des bactéries résistantes se trouvent dans la poussière. Les chercheurs de l'université de l'Illinois ont examiné des échantillons de poussière de 43 bâtiments publics. Ils ont découvert que les bactéries présentes dans ces poussières peuvent se transmettre les gènes d'antibiorésistance. Elles échangent entre elles de petites sections d'ADN, les plasmides, et l'étude montre que plus d'un quart des gènes de résistance se trouvaient sur ces plasmides. Et enfin, selon une étude parue dans Scientific Reports, le scorpion pourrait être l'un des premiers animaux terrestres. Des chercheurs américains ont analysé le fossile d'un scorpion qui dormait dans les collections d'un muséum. Non seulement il s'agit du fossile de scorpion le plus ancien à ce jour, il est vieux de 437 millions d'années, et de plus, l'analyse de ses systèmes respiratoires et circulatoires montrent qu'il était capable de respirer dans la mer comme sur la terre. Le spécimen était aussi entouré de sédiments marins. Les chercheurs pensent donc que ce Parioscorpio venator serait l'un des premiers animaux à être passé du milieu aquatique au milieu terrestre. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour d'autres nouvelles de la science et des petites bêtes que vous aimez tant. Aujourd'hui, il va être question de toute autre chose puisque nous parlons de téléportation quantique et il est vrai que, vous savez, vous qui écoutez habituellement la méthode scientifique, nous commençons d'habitude par une archive, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller retrouver dans les archives de l'INA et de Radio France eh bien des extraits de reportages, d'interviews pour illustrer l'évolution, la marche de la science. Et eh bien, il faut bien avouer que pour ce qui concerne la téléportation quantique, nous avons eu le plus grand mal à trouver mention de téléportation quantique récente, en tout cas, sans qu'il soit fait mention explicite de Star Trek. Tel est donc notre défi aujourd'hui, de comprendre comment, depuis la théorie non locale de Newton jusqu'à la téléportation quantique d'information entre deux puces d'ordinateur en silicium, la compréhension des propriétés quantiques des particules permet, grâce à l'intrication, de transporter non pas de la matière, mais de l'information instantanément d'un point A à un point B, et ce, quelle que soit la distance qui sépare les deux particules. C'est la Chine, via son satellite MOSI, lancé en 2016, qui détient aujourd'hui le record de distance de téléportation d'informations quantiques, comme en atteste finalement cette archive du jour, garantie 100% sans Star Trek. Voici le premier satellite quantique envoyé dans l'espace. Lancé depuis le désert du Gobi en Chine ce mardi, il représente une percée technologique majeure pour la communication à longue distance. Je déclare le succès de la mission d'expérience quantique. Ce satellite, baptisé MOSI en l'honneur d'un philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, doit permettre d'établir un système de communication crypté inviolable. Le système se base sur l'envoi de photons des particules fondamentales du champ électromagnétique. Celles-ci s'autodétruisent en cas de tentative d'interception du message. L'espionnage est donc impossible selon Pékin. Un défi technologique, mais aussi stratégique, car jusqu'à présent, l'efficacité de cette technologie n'avait jamais été prouvée sur des longues distances. MOSI va tenter de relever le défi entre Pékin et Urumqi, deux villes distantes de près de 2500 km. La Chine ambitionne d'être un leader dans la recherche scientifique de pointe. Elle prévoit de déployer 20 autres satellites sur l'ensemble de la planète. Voilà, ça c'était en 2017, hein, puisque le satellite a été lancé en 2016. Et tout récemment, début janvier, la Chine a réussi la première transmission entre ce satellite MOSI et un récepteur mobile. Cette fois, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais j'aimerais juste une réaction à l'échelle finalement, notamment avec vous, Nicolas Gizin, de ce que la Chine réussit aujourd'hui en termes d'exploits technologiques en téléportation quantique. Oui, bah c'est effectivement impressionnant. Les Chinois ont compris le potentiel de ces technologies quantiques et investissent massivement et le font à l'échelle de la Chine. Et avec un courage un peu juvénile comme ça qui fait plaisir. Un courage juvénile. Ben oui, ça change de l'Europe, n'est-ce pas? Là, chez nous, on ne peut pas tellement parler de courage juvénile. C'est plutôt des vieux sages qui passent beaucoup de temps à faire attention. Claude Aslangul, votre réaction à ce courage juvénile que décrit Nicolas Gisin de la Chine? Bon, c'est effectivement une prouesse technologique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une avancée de la science fondamentale, puisqu'en réalité, ce qui empêche en quelque sorte le développement longue distance de la téléportation, c'est les moyens technologiques. Donc je pense que c'est effectivement une prouesse, mais que, en étant un tout petit peu pessimiste, on n'apprend rien. Voilà. C'est de l'application, malgré tout. C'est de l'application, il n'y a pas de doute. Pourquoi, comme je le disais, peut-être qu'on peut commencer par ça, pourquoi Claude Aslangul ou Nicolas Gisin, d'ailleurs, je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question, pourquoi le terme téléportation quantique est finalement relativement impropre? Pourquoi est-ce qu'il fausse un peu les termes du débat, Claude Aslangul? Alors, évidemment, téléportation, évoque presque automatiquement un transfert d'énergie, de matière, etc. Ce qui n'est effectivement pas le cas. On parle aussi parfois de transfert d'informations, mais c'est aussi un petit peu dangereux. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est parler de transfert d'informations quantiques sans séparer le substantif et le qualificatif. Parce que ce qu'on transfère en la matière, c'est l'état d'un système quantique. Donc c'est vraiment de l'information quantique, mais il ne faut pas dire que c'est de l'information. Parce que le message en question, entre guillemets, ne contient rien en termes d'information. Si vous dites qu'on a transféré de l'information quantique, ça c'est vrai. Nicolas Gisin, vous avez une terminologie que je trouve assez juste, que vous pouvez peut-être nous expliquer ou nous donner raison de ce choix. Vous parlez de transmission de structure. Voilà, c'est ça. On peut retourner même jusqu'à Aristote qui distinguait dans les objets la substance de la forme. Si vous voulez, la matière, énergie, ça c'est la substance, et la forme, c'est la structure. Effectivement, techniquement, c'est l'état quantique, comme disait Claude. Mais c'est cette structure qui est vraiment téléportée, ou qu'on peut appeler maintenant information quantique. Mais en pensant à structure, donc la structure est téléportée, mais la matière reste au point de départ, et une matière équivalente était déjà présente à l'arrivée. Alors, on va voir et on va repartir du départ. J'aimerais juste, pour faire un peu le tour de cette petite introduction, via le satellite MOSI, mais aussi l'autre actualité hein, assez récente de téléportation quantique entre deux puces au silicium, sur lesquelles on reviendra hein, d'ici la fin de cette émission. Néanmoins, comme vous le disiez, Claude Aslangul, on n'apprend rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie supplémentaire. Néanmoins, on commence à arriver à cette ère, alors est-ce qu'on pourrait appeler ça le début véritablement de l'ère technique de l'incarnation de la téléportation quantique, mais en tout cas, technologiquement, on commence à réussir à manipuler petit à petit, pas à pas, cette information quantique, cette téléportation quantique, qui est tout de même technologiquement très complexe à manipuler. À mettre en jeu, oui, bien sûr. C'est pas du tout ce qu'on appelle des manips sur un coin de paillasse. Bon, donc ça met en jeu des appareils extraordinairement coûteux, extraordinairement complexes. Bon, c'est très bien d'avoir réussi cet exploit, que les Chinois aient réussi cet exploit, mais il faut aussi, je pense, garder la mesure et ne pas extrapoler trop vite. On parle parfois d'Internet quantique, etc. Bon, tout ça, c'est très loin. Vous y reviendrez peut-être, mais c'est... Voilà. À mon avis, c'est pas le futur immédiat. Non, on a déjà parlé effectivement de l'ordinateur quantique à ces micros pour dire qu'effectivement on était loin d'y être malgré certaines annonces fracassantes de Google. Mais néanmoins, Nicolas Gisin, votre sentiment là-dessus, on commence aujourd'hui tout de même à maîtriser de mieux en mieux à des coûts de plus en plus raisonnables, certes à petite échelle encore, mais justement ces transferts d'informations quantiques, ces transmissions de structures quantiques. Oui, tout à fait. Donc je pense d'abord, on ne peut pas vraiment distinguer aussi nettement la science et la technologie. Elles avancent main dans la main. Je suis tout à fait d'accord avec Claude que ce que les Chinois ont démontré, c'est de la technologie. Mais c'est hautement non trivial et c'est seulement en faisant progresser la technologie qu'on pourra aussi faire des expériences qui nous donneront nous apporteront de nouvelles connaissances. Quant à l'Internet quantique, j'aime pas du tout cette terminologie qui... qui est là pour tromper, en gros. Mais cela dit, il existe quand même déjà aujourd'hui, on en parlera certainement plus tard, des technologies quantiques qui sont utilisées quotidiennement, en pratique. Et je suis certain que la plupart d'entre nous auront des technologies quantiques dans leur poche, dans leur téléphone, d'ici quelques années. Eh bien, avant d'en arriver à ce futur probable et certainement souhaitable, on va revenir bien... remonter le temps et essayer de comprendre, eh bien, comment on en est arrivé à comprendre cet état quantique de la matière et à l'utiliser pour transférer de l'information instantanément et à distance. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de téléportation quantique, de transmission d'informations ou de transmission de structures pour essayer d'aborder, d'utiliser cette terminologie un peu plus exacte avec Nicolas Gizin qui est en ligne avec nous depuis la Suisse et Claude Aslangul ici à la Maison de la Radio. Alors bien, en préparant cette émission, nous sommes dit collectivement que pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette téléportation quantique, il serait bon de revenir, de remonter l'histoire des sciences jusqu'à Newton. Pourquoi remonter jusqu'à Newton pour évoquer finalement la mécanique quantique qui apparaît au début du XXe siècle? Pourquoi faut-il remonter si tôt, Claude Aslangul, selon vous? Parce que, bon, il faut savoir que la théorie quantique a constitué l'une des deux révolutions scientifiques du XXe siècle. Bon, et qu'effectivement, jusqu'à tout à fait la fin du XIXe siècle, on vivait en quelque sorte, notamment sur l'équation de Newton, qui vous permettait de prédire des choses extraordinaires avec une précision tout à fait remarquable. Et puis à la fin du XIXe, on a commencé à mettre en évidence des expériences où on ne comprenait plus rien. Je veux dire par là que les théories classiques, pas seulement la mécanique, la physique statistique également, ou bien ne pouvaient pas donner d'explication aux phénomènes observés, ou donner une explication entre guillemets qui était contraire à l'observation. Bon, la date de naissance de la théorie quantique, c'est 1900, 14 décembre 1900, Max Planck, mais la théorie quantique elle-même a été construite au milieu des années 20 par Heisenberg, Schrödinger et Dirac, dans l'ordre chronologique. Voilà. Et c'est une théorie révolutionnaire au sens où, c'est pas qu'elle récuse des concepts fondamentaux de la mécanique de Newton, c'est qu'elle les met un petit peu hors jeu. Par exemple, la notion de trajectoire. L'équation de Newton permet de calculer la trajectoire d'une bille que vous lancez en l'air, par exemple. En théorie quantique, les objets, les petits objets n'ont plus de trajectoire. Alors, quand je dis ça, faut évidemment relativiser les choses, mais néanmoins, vous voyez que ça correspond à une révolution, parce que, à nouveau, le concept de trajectoire était au cœur de la physique classique. Donc, c'est une théorie qui est révolutionnaire. Comme elle est révolutionnaire, elle prédit des phénomènes qui sont, au sens propre, extravagants pour le sens commun. Par exemple, vous prenez une bille, vous la lancez en direction du bord d'une table, qu'est-ce qu'elle fait la bille? Elle finit par tomber par terre. Vous faites ça avec un électron, que fait l'électron quand il arrive au bord de la table? Il fait demi-tour. Pareil si vous l'envoyez en direction d'un trou. Hein, et j'ai envie de dire, métaphoriquement parlant, heureusement pour les joueurs de golf que leur balle n'est pas quantique. Parce que même en visant bien, ils verraient leur balle faire demi-tour en arrivant près du trou. Donc c'est une théorie extravagante. On pourrait citer un tas d'effets qui défient le sens commun. L'effet tunnel, par exemple. Hein, comment se retrouver de l'autre côté de la montagne sans l'avoir escaladé. Bon, c'est extraordinaire. Voilà. Donc comme c'est une théorie qui est très contre-intuitive, on a du mal à l'expliquer en termes simples. Et là, on arrive à une évidence pour moi qui est que sans les mathématiques, on ne peut pas expliquer précisément les choses. On peut donner des idées, on peut fabriquer des images, ça peut conduire à des métaphores, mais je crois que le risque, c'est de pousser trop loin une image, à ce moment-là, on risque carrément le contresens. Mmh. Voilà. Donc c'est un point qui me paraît très important, l'aspect révolutionnaire de la théorie quantique. Qui, vous savez, Feynman disait, ne me dites pas à ses auditeurs, et au grand public, comme il aimait à s'exprimer, il disait, ne me dites pas que ce que je vous raconte est absurde, parce que c'est pas la théorie qui est absurde, c'est la nature, parce que la théorie rend compte de la nature. Nicolas Gizin, sur le recours à Newton, et peut-être qu'on peut dire un mot de ce qui va nous servir pour la suite, c'est-à-dire de la non-localité. Oui, alors, bon, moi je crois d'avoir davantage à la possibilité d'expliquer, y compris la mécanique quantique, avec des histoires. dire qu'il faut des mathématiques, c'est en fait déjà dire à la majorité des auditeurs qui de toute façon ils comprendront rien. Et je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on comprend beaucoup de choses. Maintenant, pour venir à cette non-localité de Newton, je crois que ça c'est quelque chose aussi qu'on comprend assez facilement, c'est que la théorie de la gravitation universelle de Newton, à savoir donc que la Lune et la Terre s'attirent, que notre corps est attiré par la Terre et que c'est pour ça que les kangourous ne tombent pas de la planète. Ça, c'est une histoire qu'on peut raconter, que tout le monde comprend. On a tous des frigos, on a des aimants qui collent sur nos frigos, on comprend ça. Mais la chose qui est, en fait, si on pousse l'histoire un peu plus loin, le raisonnement un peu plus loin, on doit se poser la question, comment la Lune sait où est la Terre? C'est-à-dire, comment la Lune sait-elle dans quelle direction elle doit être attirée? Elle n'a pas des yeux, elle n'a pas un bâton pour sonder la présence de la Terre. Donc comment sait-elle où est la Terre? Et ensuite, on peut alors effectivement se tourner vers les équations. Puis qu'est-ce que nous dit l'équation de Newton? C'est qu'en fait, la Lune sait instantanément où est la Terre. Si la Terre se déplaçait un petit peu, ou disons de façon plus réaliste, si on déplaçait un énorme rocher sur Terre, en poussant ce rocher avec une petite fusée, par exemple, la Lune serait informée instantanément. Et c'est cet aspect-là d'instantanéité à distance qui est ce que j'appelle la non-localité de Newton. Il n'y a rien qui porte cette information de la Terre à la Lune. Ça se transmet, selon la théorie de Newton, instantanément. Il n'y a pas de support physique pour l'information. Sans aucun support physique. Et donc ça, on voit qu'on a en fait là une théorie non locale. Maintenant, c'est la théorie qui est non locale, et il faut se poser la question, est-ce que la nature est également non locale? Et depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais qui date donc de plusieurs siècles après Newton, bon, on sait que en fait, théorie de la gravitation de Newton n'est qu'une approximation, et que la réalité est bien mieux décrite par la relativité générale d'Einstein. Et selon cette théorie de la relativité générale d'Einstein, si on déplace ce gros rocher sur Terre, il y a des vagues d'espace-temps, là, ces fameuses ondes gravitationnelles, qui se déplacent très vite à la vitesse de la lumière, et qui, en l'espace d'environ une seconde, vont informer la Lune, et donc une seconde plus tard, la Lune saura que quelque chose s'est passé sur Terre, et donc qu'elle doit être attirée dans une direction légèrement différente. Et donc on revient finalement avec Einstein, Einstein contredit en quelque sorte Newton en disant que finalement il y a une localité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un vecteur d'information qui sont ces ondes gravitationnelles, qui sont la structure même de l'espace-temps. Exactement, exactement. Et donc là, on voit que Einstein a restauré la localité, ou même, je dirais, a introduit la localité en physique, puisqu'en fait, la physique, essentiellement, de toute éternité, est non locale, sauf pendant cette petite période entre Einstein, qui introduit donc la localité avec ses ondes gravitationnelles, et ensuite, au milieu des années 20, comme disait Claude, la théorie quantique qui réintroduit une autre forme de non-localité. Et c'est là qu'on arrive donc, qu'on reprend cette théorie quantique à bras-le-corps, Claude Aslangul, comment justement revient la non-localité? Quelle est l'idée de départ qui va réintroduire cette non-localité dans le transfert d'informations entre, non plus la Terre et la Lune, mais finalement dans l'infiniment petit, entre deux particules? Oui, alors le fait est que, et ça c'est une conséquence immédiate des équations fondamentales, celle de Schrödinger par exemple, quand deux systèmes se sont vus, quand deux systèmes ont interagi, comme disent les physiciens, ils ne sont plus en toute rigueur séparables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont vus, ils forment une entité unique qu'on ne peut plus couper en morceaux. Et donc, vous ne pouvez plus parler de l'état. Vous imaginez deux particules qu'on a envoyées à la rencontre l'une de l'autre, elles sont entrées en collision. Une fois qu'elles sont reparties à l'infini, comme on dit, l'une de l'autre, elles restent néanmoins corrélée, elle constitue à nouveau une seule entité. Et ça, c'est vraiment une conséquence immédiate de l'équation de Schrödinger. À partir du moment où vous admettez ça, de façon extrêmement simpliste, on peut comprendre pourquoi la téléportation, sans rentrer dans le détail du mot, pourquoi c'est possible. Parce que donc, imaginez que vous avez fabriqué deux systèmes, alors on dit qu'ils sont intriqués. Voilà. Alors là, j'ouvre une parenthèse pour dire que je ne sais pas, moi, décrire précisément ce que c'est que un état intriqué pour deux particules, autrement qu'en disant c'est un état qui est fabriqué, qui est un produit tensoriel non factorisable. Vous voyez bien que si vous dites ça au grand public, ou rien, c'est exactement la même chose. Et moi, je ne vois pas, je ne connais... C'est un exemple, me semble-t-il, où effectivement les mathématiques sont indispensable. Je ferme la parenthèse. Mais on demandera à Nicolas Gizin son avis, okay, et s'il arrive à l'expliciter autrement qu'avec du vocabulaire mathématique. Admettez, donc vous avez deux parties, deux objets qui sont à l'infini l'un de l'autre et qui restent corrélés, intriqués, qui forment un seul objet en définitive, un super objet. Alors vous voyez bien que si, avec l'objet qui est resté à ma proximité, je le titille avec un troisième objet, la perturbation que je viens de faire avec ce troisième objet va se répercuter instantanément sur l'autre, où qu'il soit. Donc, quand j'ai dit ça, évidemment, c'est vraiment le principe de la téléportation, c'est l'idée, c'est très précisément, bien, de la téléportation. Nicolas Gizin, peut-être, alors, deux questions. La première, c'est que effectivement, ce que vient de décrire Claude Asselangul, c'est la traduction des équations de Schrödinger, mais comment est-ce que Schrödinger arrive à formaliser cette pensée selon laquelle un système, effectivement, va pouvoir, un système microscopique, des particules, vont constituer une entité intriquée. D'où vient, en fait, cette conception-là ? Vous avez raison, ça vient de son équation, hein, Schrödinger. Et Schrödinger lui-même a été choqué, profondément choqué par les conséquences de sa propre découverte, de sa propre équation. Il disait même à un certain moment, mais si tout ça est vrai, alors je regrette d'avoir jamais contribué à cette physique. Donc il était bouleversé par cette conséquence, parce qu'effectivement, on peut avoir deux objets qui ne peuvent plus être séparés en deux, logiquement, même si les deux objets sont loin dans l'espace l'un de l'autre. Donc on peut un objet à ma gauche, mettons, l'autre à ma droite, ils sont manifestement loin l'un de l'autre, et néanmoins on peut même imaginer qu'il y en a un qui est rouge et l'autre qui est bleu, donc il n'y a aucune difficulté à les distinguer, et néanmoins leur structure, leur état quantique est non séparable. Ce qui signifie, dans peut-être l'image qu'on peut donner là-dedans, on peut imaginer que le premier objet, là, celui qui est rouge à ma gauche, il a une position qui est indéterminée. Donc il n'a pas une position comme une bille qui est vraiment bien à une place bien précise, même si on ne sait pas où est la bille en l'occurrence. Mais là, l'objet lui-même ne sait pas où est sa position. De même, celui à ma droite, le bleu, le système bleu, a une position indéterminée. Et malgré cette indétermination de chacune de ces deux positions, la distance entre les deux objets peut être bien mieux déterminée que la position des objets individuels. Et dès que la relation, la distance en l'occurrence, est mieux déterminée que la position de chacun des objets, on parle en langage plus technique alors d'intrication. Et c'est intéressant parce que du coup, cette non-localité que réintroduisent les équations de Schrödinger vont donner lieu à une controverse, hein, parce que notamment Einstein n'y croit pas, il parle d'action fantôme à distance, et il va y avoir ce paradoxe qu'on appelle le paradoxe EPR, dont vous pouvez peut-être nous dire un mot, parce que c'est une des grandes controverses physiques de cette première moitié du XXe siècle qui est assez passionnante. Absolument. Donc en 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont écrit un article très court dans la Physical Review, dont le titre, c'est en français « Est-ce que la théorie quantique est une théorie complète ?» Autrement dit, est-ce que la théorie quantique introduit toutes les grandeurs physiques que tout bon physicien est en droit d'attendre d'une théorie physique ? Leur réponse est non, et alors l'article repose sur une définition qui est leur définition de la réalité physique. Alors, quand vous lisez leur article, vous dites, quand vous lisez notamment leur définition de la réalité physique, vous dites, bah oui, ça peut être que ça, la réalité physique. Alors, s'appuyant sur cette définition, ensuite, ils articulent un argument, un raisonnement qui, évidemment, est logiquement irréfutable et qui arrive à la conclusion, la théorie quantique n'est pas une théorie complète. Effectivement, et Nicolas à l'instant parlait de Schrödinger, effectivement Schrödinger et Einstein étaient du même côté par rapport à Bohr par exemple. Hein. Schrödinger a même dit quelque part, on parle toujours des succès de la théorie quantique, mais en fait c'est parce qu'on fait des expériences avec un très grand nombre d'atomes, et il ajoute, si on était capable, ça c'est en 35 qu'ils disent ça, aussi à peu près à la même époque, si on était capable de faire les mêmes expériences avec un atome, on verrait que c'est pas le cas. Et justement, c'est ça qui est passionnant, Nicolas Gizin, c'est que on se retrouve, j'avance un peu, hein, parce qu'il faut qu'on arrive à cette fameuse téléportation quantique et au présent, mais on se retrouve, si je résume, et je vais vous laisser me corriger ou me compléter, Nicolas Gizin, avec deux postulats, celui d'Einstein d'un côté pour qui l'état des particules est en fait déterminé avant la mesure, et Bohr de l'autre côté pour qui l'intrication est, comme ce sera confirmé plus tard, un phénomène non local. Oui, tout à fait. Donc, on voit bien, nous aussi, je prends mon exemple, les deux particules. Si on regarde maintenant très attentivement la particule bleue à droite, avec un microscope qui permet de voir, disons, à l'intérieur de cette indétermination, on va pouvoir déterminer la position de la particule bleue avec une grande précision. Mais comme la distance entre les deux particules est bien déterminée, cela détermine également la position de la particule rouge à ma gauche, avec laquelle on n'a jamais interagi directement. Et c'est ça ce que Einstein appelait une action fantôme. Et donc, si on accélère un peu à marche forcée le déroulement du temps, il va falloir effectivement, comme vous le mentionniez, Claude Aslangul, de nombreuses années avant qu'on puisse finalement confirmer de manière expérimentale, à l'échelle d'une seule particule, ces phénomènes d'intrication. Oui, alors ça, c'est la magnifique expérience d'Alain Aspect. En 1982. En 82, donc presque 50 ans après la mise en évidence de ce paradoxe EPR, montrant que, en un sens, EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, se sont trompés. Alors, je me comprends bien, quand ils se sont trompés, je dis pas que leur argument est faux, bien évidemment, l'argument est irréfutable sur le plan logique. Ce qui est probablement en faute, même certainement en faute, c'est leur définition de la réalité physique, et dont je répète que quand vous la lisez la première fois, vous dites, oui, ça ne peut être que ça. Et pourtant, ça n'est pas ça. Le fait est, si vous voulez, que il y a une chose extrêmement bizarre en théorie quantique, c'est une théorie probabiliste, hein, déjà, faut le savoir, faut s'en souvenir, mais que les objets n'ont pas, ou les grandeurs physiques plus précisément, n'ont pas de valeur déterminée avant que vous ayez fait la mesure. C'est un petit peu comme si, quand vous lancez une pièce de monnaie en l'air, elle virevolte en l'air, elle a une face pile et une face. Personne n'en doute. Et quand elle tombe, elle s'arrête sur une... Bon. Un objet quantique, une particule quantique, avant que vous l'ayez mesuré, vous ne savez pas s'il est bleu ou rouge, comme en reprenant la métaphore de Nicolas. C'est-à-dire qu'il peut être dans une combinaison linéaire des deux couleurs, mais avant d'avoir mesuré cette couleur, il n'a pas une couleur déterminée. C'est le fameux chat de Schrödinger, pour le grand. Oui, en un sens, si vous voulez. Oui. On ne connaît pas l'état d'une particule avant d'avoir fait la mesure et de la non, mesure. On ne connaît pas la valeur d'une variable physique avant de l'avoir mesurée. Et Pérez a une expression qui a l'air triviale, mais qui ne l'est pas quand on réfléchit. Il vous dit toute mesure non faite n'a pas de résultat. Nicolas Gisin, un mot sur ses premiers travaux expérimentaux, les travaux d'Alain Aspect dans un premier temps, puis les vôtres ensuite sur la démonstration, la vérification de l'intrication quantique sur une distance de plusieurs kilomètres en 1997. Oui, alors effectivement, entre le débat quasi philosophique entre Einstein, Bohr, Schrödinger et plein d'autres philosophes et physiciens de l'époque, jusqu'aux expériences d'Aspect et toutes celles qui ont suivi après, il y a eu une sorte de désert. Il a fallu un coup de génie de John Bell, qui travaillait au CERN à l'époque, pour voir comment, en fait, pouvoir tester cette idée de EPR. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'erreur dans l'argument logique dans ce papier, mais néanmoins, ça contredit la théorie quantique. Donc, que faire avec ça? On peut philosopher ou on développe la technologie et on arrive à faire des expériences. Et ce que Alain Aspect a réussi à faire, en utilisant entre autres d'ailleurs la technologie des lasers, c'est ça qui lui a permis de faire une grande partie de son succès dû à l'existence des lasers, il a pu faire une expérience qui a démontré qu'effectivement la théorie quantique correspond à la nature et que, comme disait Feynman, vous citiez tout à l'heure, c'est pas la théorie qui est absurde ou qui est contre-intuitive, c'est la nature qui est contre-intuitive. Et je vais renvoyer les auditeurs à l'entretien que nous avions eu. Nous avions la chance d'avoir Alain Aspect à ce micro pendant une heure. On va vous mettre le lien si vous voulez réécouter cet entretien passionnant que nous avions eu avec Alain Aspect. On va continuer à parler de téléportation quantique. On a évoqué la théorie. On va peut progressivement glisser vers la pratique, comprendre eh bien déjà ce qu'on en sait, comment on est capable aujourd'hui de la maîtriser dans un cadre expérimental, et puis quelles sont évidemment les applications que cela rend possible. Falling over you. up the future ever so clear. The broken glasses falling over me. Teleportation du groupe Grim Grim sur France Culture, puisque c'est exactement ce dont il est question. Nous parlons de téléportation quantique tout au long de cette heure avec Claude Aslangul, qui est professeur émérite à Sorbonne Université, chercheur en mécanique quantique et en physique statistique au laboratoire de physique théorique de la matière condensée, et avec Nicolas Gizin, qui est avec nous en ligne depuis la Suisse et qui est professeur au département de physique appliquée de l'Université de Genève. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Simon Neves. Bonjour Simon. Merci. Vous êtes en deuxième année de thèse au laboratoire d'informatique de Paris 6 à Sorbonne Université. Vous travaillez sur l'étude et le développement des ressources photoniques pour l'implémentation des protocoles de communication quantique. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Alors comme vous l'avez dit, je réalise ma thèse à Sorbonne Université sous la direction d'Eleni Diamanti. Donc dans ce cadre, je m'intéresse à la génération de photons intriqués. Alors les photons, pour le voir de manière assez simple, vous pouvez voir ça comme des grains de lumière qu'on peut générer au laboratoire, les manipuler, les compter, et on peut les mettre dans des états de qubits quantiques, donc enfin de bits quantiques, donc qubits, donc qui à l'instar des bits classiques peuvent valoir 0 ou 1, mais peuvent aussi être dans des états de superposition, et dans ce cas-là, ils sont ni dans l'état 0 ni dans l'état 1, mais quand on les mesure, il va y avoir une certaine probabilité de trouver 0 ou de trouver 1, et on ne pourra pas prévoir cela à l'avance. Donc quand vous avez de tels photons, vous pouvez aussi les intriquer. Alors pour le dire de nouveau très simplement, deux photons sont intriqués si vous ne pouvez pas connaître l'état de l'un sans connaître l'état de l'autre. En fait même, vous ne pouvez pas le décrire. Donc ça peut paraître un peu obscur de cette manière, mais l'implication que ça a, c'est que si vous avez de tels photons, vous en donnez un d'un côté à Alice et l'autre à Bob. Dans ce cas-là, si Alice mesure son photon, même si elle a des milliers de kilomètres de Bob, alors en connaissant le résultat de sa mesure à elle, elle va connaître l'état de Bob, même si Bob n'a pas réalisé sa mesure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des corrélations quantiques, et ça peut avoir des applications intéressantes dans de nouvelles technologies de cryptage et de communication auxquelles on s'intéresse au laboratoire. Donc l'une d'elles, à laquelle je m'intéresse beaucoup dans mes projets, est donc la téléportation quantique. Donc c'est pas, comme on l'a dit, la téléportation telle qu'on le voit dans les romans ou les films de science-fiction. Mais pas de Star Trek, on a dit zéro Star Trek. Pas de Star Trek. Attention. Pour vous donner un exemple concret dans lequel ça peut être utile, imaginons que nous avons un qubit ici à Paris que j'ai généré sur un photon au laboratoire et que j'aimerais l'envoyer à ma famille à Besançon, auquel je fais un petit coucou au passage. Profitez-en. Donc avec les technologies actuelles, on peut se dire envoyer un photon, en fait c'est relativement simple, en fait c'est de la lumière, donc on peut l'envoyer dans une fibre optique et à l'autre bout, à Besançon, ils reçoivent mon photon et ils peuvent ainsi avoir leur qubit. Donc ça, ça marche en classique. Mais en physique quantique, notre photon, il va interagir avec le milieu de la fibre et ça va introduire du bruit dans l'état, ce qui va avoir tendance à détruire la superposition. Et donc notre qubit, notre bit quantique, il va de nouveau devenir un bit classique. Et donc ça, on perd tout l'intérêt en fait d'utiliser des qubits. Donc à la place, ce qu'on peut faire, si on partage initialement une paire de photons intriqués entre Besançon et Paris, on peut utiliser ces deux photons, donc on a deux photons supplémentaires, plus le photon que nous avons ici, faire interagir les deux photons que nous avons ici à Paris. Et alors instantanément, le qubit qui est présent à Besançon va prendre l'état de celui que nous avions initialement ici à Paris. Sauf qu'ils n'auront aucun moyen de le savoir a priori, même avec toute la technologie du monde, ils ne pourront pas le savoir par eux-mêmes. C'est ce qui assure qu'il n'y a pas de transfert instantané d'informations. Par contre, nous on peut leur passer un petit coup de fil pour leur dire « Hey, on a réalisé notre mesure, donc vous avez reçu le qubit qu'on voulait vous envoyer ». Et donc ainsi, ça permet de réduire la transmission d'un qubit d'un point A à un point B à simplement un coup de téléphone, ça on sait le faire, et la distribution d'une paire de photons intriqués. Ça, on sait à peu près le faire, c'est en étude. Alors par contre, ce qui n'est pas tout à fait sûr, c'est est-ce qu'on saura un jour le faire parfaitement. Et donc ça, c'est la base de mon travail, donc c'est de voir ce qui se passe pour la téléportation quantique lorsque la paire de photons intriqués qu'on a distribué à un point A et un point B, si cette paire n'est pas parfaitement intriquée. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la téléportation? Est-ce qu'il y a moyen de borner la probabilité de réussite de notre téléportation? Merci beaucoup Simon Neves, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Peut-être une réaction, c'est intéressant ces travaux, et puis c'est intéressant de comprendre justement comment on peut produire ces fameux photons intriqués, puisqu'on parle de particules intriquées, mais comment est-ce qu'on produit finalement des particules intriquées, Nicolas Gisin? Je ne sais pas à quel point vous voulez entrer dans le détail. On va utiliser des cristaux non linéaires, donc des cristaux dans lesquels les électrons oscillent de façon asymétrique, anharmonique, comme on dit. Et donc, lorsqu'on excite de tels électrons, avec une certaine fréquence, ils vont automatiquement générer également des harmoniques, des fréquences doubles, triples, etc. Et comme cette physique est décrite par cette fameuse équation de Schrödinger, qui est réversible, donc tout phénomène qui peut avoir lieu dans un sens peut aussi avoir lieu dans le sens opposé. Donc si on peut doubler la fréquence, on peut également la diviser par deux. Et lorsqu'on divise cette fréquence par deux, en utilisant le fait que la fréquence est proportionnelle à l'énergie et que l'énergie est conservée. Désolé, c'est un peu compliqué. Pas du tout, allez-y. Donc pour préserver l'énergie, il faut qu'un photon de fréquence oméga, si ensuite cette énergie est divisée par deux, la fréquence divisée par deux, donc l'énergie divisée par deux, ben il faut deux photons. Donc ça crée nécessairement des paires de photons. Et ces paires de photons se trouvent être naturellement intriquées par exemple en énergie-temps ou aussi possiblement en polarisation. Il y a différents degrés de liberté qu'on peut intriquer de cette façon-là. Claude Aslangul, un mot sur la production justement de photons intriqués, puis peut-être un mot aussi, une réaction aux travaux que vient d'exposer Simon Neves. Oui, pour fabriquer des photons intriqués, dans l'expérience d'Aspect, sauf erreur de ma part, c'était en fait deux photons issus d'une même cascade atomique. Donc vous voyez, c'est un atome qui se désexcite, mais en émettant plusieurs photons. Ce qu'on appelle une désexcitation à deux photons. Et comme les deux photons sont issus de la même source, en quelque sorte, ils sont nécessairement intriqués. Puis après, on les envoie aux deux bras d'un interféromètre, etc. Et on mesure les corrélations, et on montre qu'effectivement, le fameux théorème de Bell dit bien ce qu'il doit dire, hein, c'est-à-dire que la théorie quantique viole le théorème, enfin, plus précisément, l'expérience d'Aspect, c'est de montrer que la nature, donc la théorie quantique, viole les inégalités de Bell. Voilà. Maintenant, pour en revenir, si on a 30 secondes, allez-y, pour en revenir un tout petit peu à cette histoire de comment on fait la téléportation, donc on commence par fabriquer une paire de qubits, pour reprendre l'expression de Nicolas, intriqués. De Simon, Nicolas Simon. Simon. Donc on fabrique une paire de qubits intriqués. Et puis donc Alice et Bob. Donc de qubits intriqués, ça peut être des photons, ça peut être des atomes de niveau. Bon, c'est pas deux balles de golf, hein, on a bien compris. c'est un peu trop gros. Non, c'est un peu trop gros. Donc il y a donc deux qubits qui sont dans un état intriqué. Et à ce moment-là, Alice en garde un, Bob en garde un autre. Et Bob part aussi loin qu'il veut. Et Bob, les deux qubits restent intriqués. D'accord? Mais avant de se séparer, Alice et Bob ont défini une espèce de règle du jeu. La règle du jeu, ça consiste à dire, Alice dit, je vais mesurer la couleur, pour reprendre la métaphore de Nicolas, je vais mesurer la couleur de mes qubits, et en fonction de la couleur, des couleurs que j'ai trouvées, puisqu'il y en a deux, tu vas faire certaines opérations sur le qubit que tu as emporté à l'autre bout du monde. Voilà. Et donc, vous voyez qu'en quelque sorte, il faut effectivement un canal de communication classique. Donc, c'est là où... Bon, alors donc, Alice et Bob se séparent. Alice, à ce moment-là, fait intervenir le troisième larron dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, elle procède à la mesure de la couleur de ses qubits. Et puis, elle téléphone à Bob en lui disant, j'ai trouvé bleu-bleu, rouge-bleu, bleu-rouge ou rouge-rouge. Et à ce moment-là, Bob, en fonction de ses résultats, fait certaines opérations sur le qubit qu'il a emporté. Et là, c'est le miracle, ou c'est la magie quantique, en quelque sorte. À l'issue de la mesure faite par Bob, compte tenu des résultats d'Alice, à ce moment-là, l'état du qubit de Bob est exactement le clone de l'état du qubit du troisième larron que Alice a gardé avec elle. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire, parce que on n'a rien transféré, sauf j'ai trouvé rouge-rouge. Ce qui est une information qui n'a, en soi, apparemment, aucun intérêt. Donc, vous voyez, on devine en rentrant un tout petit peu dans le détail, que effectivement, la téléportation quantique peut servir de base à des protocoles de cryptographie. Crypto, bien sûr. Parce que la structure, pour reprendre le terme qui est cher à Nicolas, la structure que Bob obtient en définitive, il l'obtient sans que rien n'ait été transféré. Comme rien n'a été transféré à proprement parler, il n'y a aucune écoute possible par un espion. Nicolas Gisin, est-ce que vous voulez compléter cette description de Claudès Langille ? Ou apporter des précisions ? Elle est bien claire. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la non-localité, c'est deux particules, ou deux qubits, ou deux photons, peu importe. Pour la téléportation, il y en a un troisième. Et c'est l'état de ce troisième, ou la structure portée par ce troisième larron, qui est téléporté. C'est-à-dire que si je devais préciser, en quelques mots, on peut dire que le troisième larron, ou disons la troisième particule, la particule C, donc on pourrait appeler Christophe, hein, puisque c'est A, B et C, appelons-le Christophe, la particule C, si on fait agir la particule C sur le qubit d'Alice, eh bien, C va transmettre sa structure également à la particule de Bob. Exactement. Mais le mot transmettre, c'est une transmission à distance, exactement, avec sans aucun support qui porte cette structure de Alice à Bob. On va passer, évidemment, on commence à aborder les applications, et notamment en cryptographie. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé à certaines expériences d'optique quantique. Oui, je suis allé à la rencontre de Nicolas Treps, qui est professeur à Sorbonne Université et chercheur au laboratoire Kessler-Bruxelles. Avec son équipe, Nicolas Treps, on fait de l'optique quantique leur spécialité. Grâce à des cristaux non linéaires et des lasers qui émettent des impulsions lumineuses très brèves, on parle ici de femtosecondes, cette équipe étudie les propriétés fondamentales de la lumière et utilise des protocoles d'information quantique où la téléportation quantique est une brique de base. L'objectif de l'équipe de Nicolas Treps est d'étudier les principes fondamentaux de la mécanique quantique, en particulier ceux concernant l'optique, avec un système qui permet de générer des paires de photons. Et grâce à ce protocole, cette équipe s'inscrit dans de plus vaste recherche concernant l'information et les technologies quantiques. Ce qui est intéressant avec la téléportation quantique, c'est que ça existe maintenant depuis une vingtaine d'années expérimentalement, et c'est vraiment un des premiers protocoles qui a été mis en place, dont l'utilité au départ n'était pas si claire, on va dire, mais qui permettait de montrer qu'on pouvait faire des choses avec les propriétés quantiques de la lumière et de la matière en général. Et donc, ça reste maintenant une brique de base de la plupart des protocoles d'information quantique. Alors, en général, finalement, on n'appelle plus tellement ça téléportation, on va appeler ça une porte quantique, mais le principe de base est exactement le même. C'est vraiment transférer l'information quantique d'un état, donc d'un système physique, que ce soit des photons ou des atomes, d'un système à un autre. Là, on est devant une grande table équipée de multiples miroirs, des petits miroirs. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu pourquoi ce dispositif est installé de la sorte et ce que vous essayez de comprendre en optique quantique avec cette installation-là ? Pourquoi il y en a beaucoup ? C'est pas si facile à expliquer. Mais comme on veut étudier les propriétés quantiques de la lumière, en fait, une des clés, c'est d'abord d'avoir la lumière la plus propre possible. Et donc une grosse moitié de l'expérience, je vais dire, consiste à avoir un laser et à le nettoyer, c'est-à-dire lui enlever son bruit, améliorer sa forme, pour pouvoir après le manipuler de manière très propre. Donc ça, c'est le premier tiers de l'expérience. Le deuxième tiers consiste à manipuler les photons eux-mêmes. Alors pour ça, on a une partie des optiques qui sont sous une boîte pour vraiment éliminer toutes les fluctuations, les saletés éventuelles, les choses comme ça. Et dans cette boîte, on va créer des paires de photons. Donc de la lumière d'une certaine couleur qui sera bleue dans notre cas. Alors dans notre cas, en plus, il y a des impulsions, donc c'est des petits paquets de lumière extrêmement courts, vont générer simultanément des paires de photons. Et les paires de photons, c'est ce qui est la clé de l'intrication. Et juste pour finir, une troisième partie qui est très importante et qu'on oublie souvent, c'est la partie détection. En fait, une des parties les plus délicates de notre métier, c'est de réussir à vraiment mesurer la lumière avec la plus grande efficacité possible pour révéler les états quantiques qu'on a pu générer. Nos impulsions sont ce qu'on appelle les impulsions femtosecondes. Alors ce ne sont pas les impulsions les plus courtes du monde, donc nous on a des impulsions d'une centaine de femtosecondes parce que c'est ce qui est pratique. Alors la femtoseconde c'est 10 moins 15 secondes. Et alors pourquoi on utilise des impulsions très courtes ? Parce qu'on veut générer des paires de photons et pour ça on a des processus qui ont des efficacités assez faibles. Et quand on met la lumière sur un temps très court, eh bien, l'intensité instantanée est extrêmement élevée. Et donc ça permet d'améliorer l'interaction entre la lumière et les cristaux non linéaires qui nous génèrent nos paires de photons. Pour revenir un tout petit peu à la téléportation, au début, la téléportation prenait les propriétés quantiques d'un faisceau lumineux et essayait de les transporter sur un autre faisceau lumineux. Ça, c'est des choses qui sont faites très bien depuis 20 ans. Maintenant, quand on veut faire de l'information quantique, ce qu'on veut, ce n'est pas un seul faisceau, mais c'est beaucoup de faisceaux. Et donc, nos résultats ici, c'est tout d'abord de réussir à créer ces paires de photons dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de faisceaux en même temps. Alors, ce qui est peut-être un petit peu technique, mais quand on prend une impulsion lumineuse, donc un paquet de lumière très, très court, quand on regarde sa couleur, comme elle est très courte, en fait, elle est composée de beaucoup de couleurs. Donc, beaucoup de longueurs d'onde séparées très précisément. Et en gros, chez nous, il y a à peu près 10 puissance 5 couleurs simultanées. Et voilà. Et ces 10 puissance 5 couleurs, ce sont nos 10 puissance 5 systèmes quantiques qu'on va essayer de faire interagir ensemble. Vous allez essayer finalement d'intriquer, c'est ça Exactement. On va essayer de les intriquer et de les manipuler. Et donc, c'est ce qui est à la base d'une manipulation, on va dire, de manière très large ou de très grande dimension plutôt, de l'information quantique. Où se situe ce travail expérimental-là pour développer ensuite ce qu'on appelle l'informatique quantique, l'optique quantique, en lien avec tous ces travaux de téléportation? Alors, c'est vrai qu'à ce sujet, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Néanmoins, les choses avancent vraiment maintenant, et il y a de vraies applications qui commencent à sortir. Alors, l'ordinateur quantique lui-même, bien, ça avance, mais ça va sûrement prendre encore du temps. Mais il y a des étapes intermédiaires, comme par exemple ce qu'on appelle la simulation quantique. C'est-à-dire, en fait, la simulation quantique, c'est comme si on avait un ordinateur pas tout à fait parfait. On ne sait pas tout contrôler, mais ça permet quand même de faire des choses. Et alors, notre système s'inscrit vraiment très bien là-dedans. Alors, peut-être à long terme, l'ordinateur quantique, mais à court ou moyen terme, c'est plutôt de la simulation. Parce qu'on a beaucoup de systèmes qui peuvent évoluer ensemble et on peut contrôler l'évolution. Donc, c'est vraiment ce genre de choses comme application hein, qu'on met en avant et qui vont peut-être arriver. Hein. Le gros avantage de notre système, c'est de pouvoir avoir ces 10 puissance 5 objets quantiques en même temps. C'est le très gros avantage. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus dur que dans d'autres systèmes d'en faire quelque chose de très quantique, avec des guillemets, donc de suffisamment quantique pour obtenir un avantage par rapport à un traitement classique de l'information. La mesure, elle est faite par des systèmes qu'on appelle des semi-conducteurs qui ont la propriété que chaque photon qui arrive, s'il est bien mesuré, va donner un électron. Et après, on va simplement regarder le flux d'électrons pour savoir notre état quantique. Alors, il y a une subtilité intéressante peut-être, c'est que quand on génère ces paires de photons, on obtient des états quantiques exotiques quand même, intéressants, mais pas suffisants pour l'information quantique. On est obligé de rajouter une brique de base. Et pour ça, on a un autre cristal ici, un autre cristal non linéaire, qui va nous permettre d'enlever ou d'ajouter exactement un photon à notre système. Et c'est en contrôlant quelle couleur je donne à ce photon que j'ajoute ou j'enlève, ou quelle superposition de couleurs, que je vais pouvoir contrôler quelque part mon protocole d'information quantique. Ensuite, cette lumière donc, à laquelle on a ajouté ou enlevé un photon, elle est mesurée. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que ça marche bien, elle nous donne les états qu'on veut, il y a beaucoup de théories derrière à faire. Dans un avenir proche, qu'on espère faire, et ce qu'on est en train de développer, c'est de mesurer plusieurs couleurs en même temps, et en fonction du résultat de mesure sur une des couleurs, on va pouvoir connaître ou rétroagir sur l'état d'une deuxième couleur. Et en fait, ça c'est directement de la téléportation quantique mise en œuvre dans un cadre un petit peu différent. Voilà le reportage du jour. Nicolas Gizin, votre réaction à ce que vous venez d'entendre? C'est effectivement de la technologie, mais c'est de la très belle technologie. Et je pense que si on veut effectivement développer ces technologies quantiques, il faut effectivement passer par ces bancs optiques couverts de miroirs, comme on vient d'entendre parler, de cristaux non linéaires et plein d'autres éléments optiques. À terme, évidemment, tout ça va finir dans des boîtes beaucoup plus petites et compactes, d'optique intégrée, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de très belles physiques qui est en train de se développer à Paris et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Justement, si pour ces dernières minutes d'émission qu'il nous reste, on a parlé évidemment de la cryptographie, on en a parlé dans d'autres émissions qui étaient spécialement consacrées à ça, on a parlé de l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, Claude Aslangul, les premières applications, peut-être les prochaines en tout cas, qui devraient permettre d'exploiter ces propriétés de téléportation quantique? Alors, j'ai envie de vous répondre que quand les pères fondateurs de la théorie quantique ont construit leur théorie, aucun d'entre eux n'imaginait que le smartphone que vous avez dans votre poche serait un sous-produit de la théorie quantique qui permet de comprendre les propriétés de la matière condensée. Et je veux dire, les applications de la théorie quantique, en quelque sorte, sont innombrables. Pensez à l'IRM qui part d'un phénomène qui est la résonance magnétique de certains noyaux d'atomes, hein, des champs magnétiques. Il faut des champs magnétiques très intenses qu'on est capable de fabriquer grâce à des aimants supraconducteurs qui eux-mêmes sont connus, sont compris grâce à la théorie BCS, etc. C'est même un cercle vertueux parce que les signaux envoyés par l'appareil sont analysés par un ordinateur, sinon on n'en ferait rien. L'ordinateur étant lui-même un sous-produit de la théorie quantique. Donc je crois qu'à un instant donné, il est très hasardeux de se dire voilà ce qu'on va être capable de faire avec ce phénomène quantique. Voyez. Donc moi personnellement, bon, la téléportation quantique, on a évoqué la cryptographie. Il est évident également que, comme Nicolas Treps l'a rappelé, Nicolas Gisine aussi, ce sont des expériences de pointe qui exigent des prouesses expérimentales, des prouesses technologiques, et que inévitablement quand on fait ça, on apprend beaucoup de choses, même si c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait. Ou en tout cas, à l'occasion de ces recherches de pointe, on apprend énormément beaucoup de choses. Mais en termes d'application de la téléportation quantique, aujourd'hui, moi, je suis pas capable de vous dire, voilà, demain, on va faire ça grâce à ça. Nicolas Gisin, peut-être un mot sur cette publication récente d'une équipe de physiciens de Bristol qui ont réussi à téléporter des états quantiques de qubits sur deux puces de silicium. Alors on sait encore une fois que l'ordinateur quantique dans le bureau pour jouer aux jeux vidéo, c'est certainement pas pour ça que l'ordinateur quantique sera fait, et encore moins pour demain. Mais néanmoins, qu'est-ce que il faut comprendre ou entendre de cette publication? Ça, c'est une publication manifestement dans le domaine des ordinateurs quantiques. Et les ordinateurs quantiques, c'est absolument fascinant. Il y a des promesses incroyables, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, voire un peu plus tard. Par contre, des applications qui existent déjà, que tu as mentionné, c'est la cryptographie quantique. Là, il y a des sociétés, il y a une spin-off de mon groupe à l'Université de Genève, ID Quantique, qui existe depuis 18 ans et qui industrialise et commercialise des systèmes de cryptographie quantique. Ça, c'est pas le futur, c'est non seulement le présent, mais en fait, ça existait même déjà depuis pas mal de temps. Et il y a des banques, il y a des institutions, des gouvernements, des télécoms qui utilisent cette cryptographie quantique. C'est encore un marché niche, parce que c'est encore relativement cher, mais ça existe aujourd'hui. Et ça, c'est des applications véritablement de l'information quantique, et pas juste de la théorie quantique au sens des ensembles, comme Schrödinger disait à l'époque. Donc ça va bien au-delà des IRM et des ordinateurs et des téléphones dans nos poches. Donc je pense là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Peut-être tu vas encore revenir aussi sur ce qu'on a dit tout au début de l'émission avec les Chinois et leur téléportation. En un mot, on a un peu compris la téléportation quantique. Il y a trois particules là-dedans. Et en fait, dans toutes ces expériences de téléportation quantique chinois et de beaucoup d'autres, les trois photons sont très très proches les uns des autres au moment où la mesure qui déclenche la téléportation quantique est réalisée. Il y a en fait une seule expérience à ma connaissance où les trois photons sont déjà à une distance appréciable, même si on parle que de centaines de mètres, au moment où cette téléportation est réalisée. Et c'est quelque chose qu'on a fait à Genève. Mais là on a un exemple où on a vraiment plus de 100 mètres entre les photons au moment de la téléportation. Dans le cas du satellite, les photons sont tout proches les uns des autres, il y a simplement un photon qui, après l'expérience, est envoyé sur une grande distance avant d'être analysé. Merci beaucoup Nicolas Gisin, on continuera évidemment à suivre de très près ces travaux-là. Merci également Claude Aslangul, on peut vous lire dans les trois tomes de votre mécanique quantique aux éditions Debuck, ainsi que des mathématiques pour les sciences, c'est également aux éditions Debuck. Un mot pour vous dire que comme tous les mercredis, eh bien c'est aujourd'hui l'heure de retrouver les idées claires, et nous nous posons aujourd'hui la question de savoir si le virus, en l'époque de coronavirus, c'est un dangereux lapsus, si le vaccin contre la grippe est efficace. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux de France Info et de France Culture. Puis un mot pour vous dire également que si vous êtes dans les Vosges en fin de semaine, vous pourrez venir assister à une émission en direct et en public de la méthode scientifique au Festival du film fantastique de Gérard May, où nous nous trouverons vendredi. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jordan Fuentes à la technique aujourd'hui. Demain, dans le cadre d'une journée spéciale en lien avec la Nuit des idées, dont le thème cette année est être vivant, nous interrogerons les limites du vivant avec l'une des plus grandes généticiennes et embryologistes française qui a travaillé sur des embryons chimériques poulet-caille. Nous parlerons avec Nicole Ledouarin demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.